Lundi 2 août, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Hausse du prix du ticket de transport de Bujumbura vers l'intérieur du pays. Dans cette édition, le cas illustratif, c'est au parking du marché dit Kotebu. Une centaine de vaches et petits ruminants vont être abattus dès ce mercredi dans les communes de Gashikano et Tangara, en province Ngozi. La chronique santé de ce mardi nous parle des changements psychologiques et émotifs chez une femme enceinte. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par le duo François Akimana et Eliane Kabanyana. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page santé pour débuter cette édition. Le manque de temps suffisant pour organiser les travaux ménagers, les menaces subies par des personnes qui gardent des malades ayant subi des troubles mentaux. Tels sont certains défis auxquels font face ces dernières en province Chibitoke. La psychologue Estella Yakadouraye suggère de relayer ces gardes malades du fait qu'elles sont affectées psychologiquement lorsqu'elles passent beaucoup de jours avec des malades mentaux. Le point avec Audrey Akimana. Certains gardes malades et des troubles mentaux en province Chibitoke précisent qu'ils sont souvent menacés par les malades mentaux. De l'ancien du Komagenge et Douane Ninaze, suffisant pour organiser les travaux ménagers quand ils étaient gardes malades au centre neuropsychiatrique de Chibitoke. Psychologue Estella Yakadouraye indique que les gardes malades sont préoccupés par ces malades victimes des troubles mentaux. Pour la garde malade alors, elle est fatiguée. Elle voit que ça n'avance pas, ça ne s'améliore pas. Et aussi, elle a plusieurs préoccupations de la maladie de sa malade, je dirais. Elle peut penser comment elle va s'arriver demain. Est-ce qu'il y aura progression? Comme ça ne progresse pas, comme ça n'avance pas, est-ce qu'elle va vraiment guérir? Donc elle se pose beaucoup de questions et ça fait une fatigue psychologique, je dirais. Elle est épuisée dès le commencement, disant que ça n'avance pas. La malade mérite un accompagnement, une compréhension effective de la part de sa garde malade. Mais quelquefois la garde malade est pleine de fatigue, quelquefois elle ne supporte pas les actes causés par le malade. Parce que ça se répète et quelquefois elle est épuisée, elle peut ne pas donc supporter et ne pas bien accompagner la malade. Cet psychologue suggère de relayer ces gardes malades du fait qu'elles sont affectées psychologiquement lorsqu'elles passent beaucoup de jours avec ces malades mentaux. Je conseillerais alors, si possible, de relayer, de faire des relais, que la garde malade ne reste pas la seule. Parce que quand on est garde malade d'une personne qui souffre de la maladie mentale, c'est rare qu'on peut penser à autre chose. Les préoccupations, toute sa tête est retournée vers cette personne. Donc, qu'elle aille à la maison, qu'elle coordonne d'autres choses. Donc, on fait des rotations pour les gardes malades au cas où c'est possible, pour que la garde malade ne soit pas plus affectée. Et quand elle est là, devant la malade, je suggère d'avoir une compréhension, une compassion et aussi un bon accompagnement de cette malade. Quant à Jean Norbert Mnienwari, médecin psychiatre au centre neuropsychiatrique de Chibitoke, précise qu'il subit également des menaces de ses malades mentaux lors du traitement. Audrey Akimana reste en province Chibitoke pour parler de ce pont sur la rivière Nyamagana, route nationale numéro 5, à 3 km du chef-lieu de la province Chibitoke qui est en cours de réhabilitation. C'est au moment où ce pont était menacé par des eaux de cette rivière. Les travaux sont en train d'être exécutés par l'agence routière du Burundi, nous rapporte Alexis Dairagij. Les bords du pont sur la rivière Nyamagana, sur la route nationale numéro 5 à réhabilitation, étaient menacés par les eaux de cette rivière. Ceci suite aux activités des opérateurs et de ceux qui extraient des matériaux de construction comme le gravier, le sable et le moellon. Pour le moment, les agents de l'agence routière du Burundi sont en train de construire des gabions pour la protection de ce pont. Les usagers de la route nationale numéro 5 à Bujumbura Chibitoke saluent cette activité, indiquant qu'ils avaient l'inquiétude que ce pont allait être démoli et que la paralysie des activités sur cette route s'en suivra. Le chargé de la protection de l'environnement provincial Chibitoke, Fidel Nzigamiye, continue à demander aux orpailleurs, à ceux qui cherchent les matériaux de construction comme le moellon, le gravier et le sable, de ne plus exécuter ces activités à moins de 60 mètres des ponts. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h, pile et face dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Le prix du ticket de transport de Bujumbura, capitale économique vers l'intérieur du pays, a soit doublé ou triplé ceux qui transitent du parking au marché d'Ikotebu, indique que la situation s'empire du jour au jour ces derniers, ainsi que les transporteurs qui se rabattent au marché noir du carburant lancent un cri d'alarme au gouvernement pour que ce dernier puisse sauver ce qui reste à sauver. Les détails avec Évariste Nzekobanyang. Ceux qui transitent vers l'intérieur du pays à partir du parking du marché d'Ikotebu ne savent à quel sens se vouer. Pas de véhicule de transport à ce parking suite au manque criant du carburant. Ceux qui parviennent à trouver ce moyen de transport font face à un prix du ticket qui a soit doublé ou triplé. Je ne vois aucun véhicule qui transite vers Gatabo à cause de ce manque du carburant. Je viens de passer toute une heure ici. J'ai manqué le bus. Le prix du ticket a sensiblement monté. Avant, on payait 5000 francs, mais aujourd'hui, c'est 10000 francs. Ceux qui envoient les marchands ou autres par courrier disent avoir été affectés par cette situation. La perte est énorme. Le courrier que j'ai envoyé à 2000 francs, aujourd'hui on me demande 10000 francs. Je travaille vraiment à perte. Les transporteurs rencontrés au parking du marché d'Ikotebu et aussi le travail a été paralysé. Leurs engins sont soit sans carburant et sont garés sur les lieux. Ceux qui tombent sur le carburant vendu frauduleusement ne trouvent pas de passagers, car ces derniers ont cessé de voyager. Il n'y a pas de travail. Tu peux descendre à la recherche du carburant et tu passes 3 jours et tu travailles pour 2 jours et tu reviens encore pour en chercher pendant 3 jours. On ne gagne rien. Vraiment, c'est regrettable. Cette situation n'a jamais été observée. Regardez, c'est presque vide. Les gens ne montent pas à l'intérieur du pays, craignant le prix du ticket qui a été revu à la hausse. Même ceux qui veulent descendre ne viennent plus. Les passagers et les transporteurs dépassés par les événements exhortent le gouvernement à trouver solution à ce manque criant du carburant pour sauver ce qui reste à sauver. Parlons élevage à présent. Environ 60 vaches et 90 chèvres des communes Gashikano et Tangara en province Ngozi sont à abattre dès ce mercredi. Priva Barikugayo, en charge de la santé animale dans cette province, indique que d'autres communes seront systématiquement concernées une fois que les centres de mise en quarantaine remplissent les conditions. Il rappelle le respect des prix de la viande pratiqués avant la fièvre de la vallée du Rift. Le point avec Apollinaire Muzagara. Aussi de mise en quarantaine d'Omarouri en commune Gashikanoa, qui abritait le marché de bétail d'Ovie Egua, se trouvent 32 vaches remplissant les conditions d'être abattues dès demain mercredi. Dans les centres de quarantaine de Nyagatovu, Nyakabamba, Musenyi, Kananira et Gasezegua en commune Tangara, se trouvent 27 vaches et 94 chèvres prêtes aussi dès demain à l'abattage, d'après Priva Barikugayo, responsable de la santé animale en province Ngozi. Selon lui, toutes ces bêtes ont été suivies durant 7 jours et remplissent toutes les conditions exigées pour le moment. Pas de signe d'après son responsable de fièvre de la vallée du Rift. Selon Priva Barikugayo, les autres communes seront systématiquement concernées au fur et à mesure que les conditions d'abattage sont amples. La commune Kiremba est fixée pour ce jeudi et à l'abattoir principal du chef-lieu de la province Ngozi ce vendredi. Cette activité arrive au moment où a débuté ce lundi la campagne de vaccination des vaches contre cette fièvre. 1272 vaches ont été vaccinées la seule journée d'hier. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Restons en province Ngozi, cette fois-ci en commune Mumba, où des éleveurs estiment que le projet du gouvernement visant à augmenter les effectifs des vétérinaires dans le pays aura un impact positif sur l'élevage. Même avis avec Roger Nyandoui, vétérinaire communal de Mumba, qui précise que cela permettra un suivi régulier du bétail. Le point avec Omer Ndouayo, qui s'est rendu en commune Mumba de la province Ngozi. ubworozi niterambere ntangere apiga imiti yumva ashaka nubuzi yaguterere yari ces éleveurs déplorent le manque de vétérinaires je crois avoir beaucoup de métro il peut arriver que le vétérinaire habite à 10 km et celui qui est disponible vaccine les bétails avec les doses insuffisantes juste pour vendre ces médicaments Roger Nyandui chargé de l'élevage en commune Mumba reconnaît la carence des vétérinaires dans cette commune et plaide pour qu'il y ait des assistants vétérinaires pour pallier à ce défi. Le nombre de vétérinaires est insuffisant. Les collines sont espacées l'une et l'autre. Du coup, c'est difficile de se déplacer pour arriver à ces collines. Nous aimerions que le nombre de vétérinaires soit augmenté. Ceux qui ont des connaissances en matière devraient être nombreux afin que nous puissions servir les citoyens et leur faciliter la tâche. Le manque de médicaments est également un défi majeur, ajoute Roger Nyandui. Les médicaments sont là, mais en quantité insuffisante. Par exemple, ici en commune Mumba, nous avons une seule pharmacie vétérinaire sur 49 collines. Vous comprenez que tu peux marcher 20 km ou plus pour la recherche des médicaments de bétail. Ce n'est pas facile pour les citoyens d'arriver à cette pharmacie. Cet état des faits entame la confiance des éleveurs à l'endroit des vétérinaires. Auparavant, ils faisaient des prélèvements de bétail, mais aujourd'hui, ils demandent seulement l'état de santé du bétail. Les vétérinaires l'injectent n'importe quel médicament. Si possible qu'il y ait suivi régulièrement. Bien qu'il n'a pas souhaité s'exprimer sur la décision des conseils des ministres du 20 juillet cette année qui prévoit le retour des vétérinaires retraités. Priva Barikudiayo, conseiller chargé de l'élevage en province Ngozi, dit que cette décision vient répondre aux demandes incessantes des autorités en la matière. Oui, merci Omer Ndouaye pour toutes ces précisions. Mais Omer Ndouaye, certainement qu'il y a une raison du choix de la commune Mumba dans cette province. Quelle est cette raison? Effectivement, Madame Mireille Kanyang, nous avons visité cette commune du fait qu'elle a été citée parmi les plus touchées par la fièvre de la vallée du Rift. La commune Mumba fait partie des 9 communes de la province Ngozi. Elle est limitrophe de la commune Ngozi au sud, des communes Gashikanoa et Nyamurenza à l'est, Busiga à l'ouest et Dirwanda au nord. Sa population s'élève à plus de 75 000 personnes réparties dans plus de 17 000 ménages. Sa superficie est de 128,7 km². La commune de Mumba vit essentiellement de l'agriculture et l'élevage, avec plus de 5 000 têtes de bovins, environ 26 000 ovins, plus de 6 000 porcins et autres animaux d'élevage, ce qui contribue au bien-être des ménages de cette commune. Cet élevage se pratique sur 29 collines des trois zones qui composent cette commune. Ces animaux sont suivis par 45 agents communautaires de la santé animale, tous volontaires. Omer Ndouaye, parlons transport à présent dans les nouvelles de la communauté est-africaine. Le chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma en Tanzanie a été construit sous le régime colonial allemand pour faciliter... Vous voudrez bien m'excuser, le chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma en Tanzanie a été construit sous le régime colonial allemand pour faciliter les échanges commerciaux des marchandises provenant du Burundi et du Congo. Propos du chef de la gare de Kigoma, Ali Chamte, espère que ces échanges vont être accentués avec le nouveau chemin de fer moderne en cours de construction. Les précisions avec Moïse Misago de retour de Kigoma en Tanzanie. Les travaux de construction de cette ancienne voie ferrée ont commencé en 1906 à Dar es Salaam, puis à Kigoma en 1914. Le but était d'acheminer les marchandises en provenance des pays de la région des Grands Lacs, selon Ali Chamte, responsable de la gare de Kigoma. À Dar es Salaam, il a été construit depuis 1906 et est arrivé ici en 1914 pendant l'époque des Allemands pour faciliter le transport des marchandises venues de la République démocratique du Congo et du Burundi pour arriver au port et continuer. C'était ça l'objectif de ce chemin de fer depuis 1914. Selon toujours ce responsable, le nouveau chemin de fer moderne est en cours de construction. Ici, il mentionne que ce chemin de fer moderne arrive dans la province de Tabora. Ali Chamte estime que cela va favoriser le transport ferroviaire. Le chemin de fer est en cours de construction de façon moderne. La première partie Dar es Salaam Morogoro, Morogoro Maktupora, Maktupora jusqu'à Tabora, Tabora Isaka, Isaka à Mwanza. Maintenant, ils sont en train de construire depuis Tabora jusqu'à Kigoma, puis Uvinza jusqu'à Musongati, pour arriver au Burundi et continuer jusqu'à Uvira. Une fois mis en service, le train SGR circule à une vitesse moyenne de 160 km par heure. Le Conseil des ministres tenu le 20 juillet a adopté le projet de décret portant déclaration d'utilité publique d'un terrain destiné à accueillir les infrastructures ferroviaires. La République du Burundi, la République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo se sont convenus de développer une ligne de chemin de fer au Vinza à Kindu en passant par Musongati et Gitega d'une longueur totale estimée à 939 km. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé de ce mardi à 13h11. Dans le studio de la radio Isanganiro, une femme enceinte subit des changements sur le plan psychologique et émotif, comme l'état de stress aigu. La psychologue clinicienne Deborah Irakiza indique que les causes sont variées. C'est notamment l'augmentation hormonale. Les femmes maltraitées sont les plus à risque par rapport à d'autres. La chronique santé de ce mardi est signée Ornella Mucho. L'hypersensitivité et l'hyperémotivité sont des principaux problèmes de santé mentale qui peuvent se développer chez la femme enceinte. Ces changements résultent de plusieurs causes, dont une très haute production des hormones féminines. Explication de la psychologue clinicienne Deborah Irakiza. Une dépression mineure qui vient avec cette anxiété-là que la mère est là. Une anxiété qui est due aux informations que la mère reçoit par rapport à son entourage. Comme quoi, il y a des naissances prématurées, une mortalité infantile qui a un taux élevé. Il y a aussi, je dirais que c'est une très haute production des hormones lors de la grossesse. C'est ça qui fait accentuer, je dirais, ces symptômes-là. D'autres causes pourraient être une maltraitance que la femme subit, que la mère subit lors de sa grossesse. Toutes les femmes enceintes peuvent afficher ces symptômes, mais les plus à risque sont celles qui subissent une maltraitance ou qui ont eu une grossesse non désirée. Ces symptômes s'observent beaucoup plus au premier trimestre de la grossesse. Ces symptômes s'observent beaucoup plus au premier trimestre parce qu'il y a beaucoup de changements avec le premier trimestre, changements physiques et émotionnels aussi. Ça va revenir avec d'une manière atténuée lors du troisième trimestre avec cette peur de mettre au monde un enfant qui est prématuré ou de mettre au monde un enfant qui a une malformation. Cette peur va revenir mais de manière vraiment atténuée. Les conséquences et que cela affecte l'enfant qui est plus à risque d'éprouver un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes affectifs. Ces symptômes s'observent beaucoup plus au premier trimestre parce qu'il y a beaucoup de changements avec le premier trimestre, changements physiques et émotionnels aussi. Ça va revenir avec d'une manière atténuée lors du troisième trimestre avec cette peur de mettre au monde un enfant qui est prématuré ou de mettre au monde un enfant qui a une malformation. Cette peur va revenir mais de manière vraiment atténuée. Oui. La prise en charge et les conseils seront précisés dans notre prochaine chronique santé avec la psychologue clinicienne Deborah Irakiza. Merci à Ornella Mucho et la psychologue clinicienne Deborah Irakiza pour toutes ces précisions sur les changements psychologiques et émotifs chez une femme enceinte. Voilà, 13h15 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais permettez de vous rappeler que dans cette édition, on a parlé de la hausse du prix du ticket de transport de Bujumbura, la capitale économique vers l'intérieur du pays. Dans cette édition, passagers et transporteurs exhortent le gouvernement burundais à trouver solution à cette pénurie répétitive du carburant. Et une centaine de vaches et de petits ruminants vont être abattus dès ce mercredi dans les communes de Gashikanoa et Tangara en province Ngozi. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à l'audio François Kimana et Eliane Kabanyana pour leur complicité technique. Un très bon après-midi. À tous, au revoir.